allez dire, y'a nos pas universel, allez dire. C'est fini, on nous voit dire, jengele, jengele, oh jengele, jengele. Giovanni Govales, Leia Samba Ninga Lamboe, Rambo Mambingo, Mosea Samba Ninga Lamboe, Eju Paolo, Leia Samba Ninga Lamboe, Bona Jose Eko, Ona Sengi Bona Otoni Gandoe, Na Sengi Nawa Motoni Mubane, Ado Bebine, Na Sengi Bona Otoni Gandoe, Ona Sengi Bona Otoni Mubane, Jaro Bechato, Leia Samba Ninga Bikin Gondi Mwase yamba ninga nangoye Sergio Pute Leye somba ninga nangoye Teda Natolja Mwase yamba ninga nangoye Mashiya Kofi Mwase ngipona otoni kandoye Andre Mix Mwase ngipona otoni mumbane DJ Musa Mwase ngipona otoni kandoye Mwase ngipona otoni mumbane Alenge Kolo Mon frère de sang, Charlie Masuke, Aye Nova, eh, Aye Nova, eh, et ton fils, ton talent, Aye Nova, eh, Eric Demba Demba, Aye Nova, ah ouais, succès universel, parce que n'importe quel autre n'est gando, eh, le Mbambo, parce que n'importe quel autre n'est loco, le Mbambo, parce que n'importe quel autre n'est gando, eh. Nasengi bona lotoni loko ni obaye we Nasengi bona lotoni ngando he bona lotoni mambo nasengi bona lotoni loko Nasengi bona lotoni ngando lotoni ngando lotoni ngando Nasengi bona lotoni loko Leye mbambo Le colin de Botea. Bon matin.